vous sentez apaisé et les épreuves de la vie n'ont plus d'emprise sur vous. L'absence de souffrance face aux difficultés et votre façon de toujours trouver du positif, même dans les moments les plus terribles, est perçue comme une agression par vos proches. Attention, vous avez peut-être atteint sans vous en rendre compte la sagesse et l'illumination. Et vous emmerdez tout le monde. Ne restez pas seul. Appelez le 3333. Des groupes de parole pour les sages anonymes ont été mis en place dans toute la France afin de vous réinsérer dans la vie normale. Grâce à ces réunions, vous retrouvez petit à petit frustration, colère intérieure et goût pour l'hystérie nécessaire à toute survie dans cette société violente et sournoise. Mais surtout, en participant à ce programme, vous arrêtez de nous emmerder avec votre joie de vivre. C'était un message de la prévention psychologique.